Je viens de chez moi, des larmes qui coulent. Mon corps s'affaiblit d'avoir laissé mon enfant avec cette peste. Rester avec cette peste, c'est comme une appareil vraiment électronique. Une rue si brillant, je peux pas réfléchir. Je peux pas m'endormir ni sortir cette peste de ma petite tête. Je suis vraiment décontrôlé. À cause de ces gens, je suis mal placé. J'ai envie de me déplacer pour ne plus voir ces gens. Mais cette peste revient pour m'empester ma vie. Ma vie est difficile, je sais que je suis gentil. Mais c'est vraiment pas la peine de tous ces ennuis. Je sais que je suis pas riche, je sais que j'ai envie de vivre. Et aussi avec toi, mais malheureusement je peux pas accepter cette proposition. Rail, je sais que t'es gentil, mais j'ai pas envie de casser ta belle vie.